Le roi de la Balagne, souvenir de Corse, par Octave Ferré. Des faits récents, d'une audace et d'une férocité sauvage, ont rappelé l'attention sur le banditisme qui ne s'exerce pas seulement en Grèce et en Espagne, mais en Corse, sans que les mesures les plus énergiques aient encore pu en avoir raison. La terrible histoire des Massoni, à peine éteinte dans le sang des derniers membres de la bande, offre le caractère d'une légende et donne lieu à des récits que les lecteurs du continent sont tentés de considérer comme appartenant à une époque fabuleuse. Une heureuse rencontre nous ayant mis en relation avec une personne qui a connu tous les Massoni et s'est trouvée forcément mêlée à plusieurs de leurs aventures, nous pouvons à notre tour, en quelque sorte sous sa dictée et en suivant avec elle sur la carte les théâtres de leurs exploits, en offrir un aperçu dont le caractère de notre collaboration garantit l'authenticité. Ce collaborateur n'est pas seulement un Corse d'ancienne souche, c'est un respectable et très érudit ecclésiastique appartenant au clergé de Paris. L'une des constructions les plus audacieusement bâties du vaste canton, que les Corses fidèles à leurs anciennes appellations continuent de nommer la province de Nebbio, est la Casa Torre. Nous en avons un dessin qui la représente se dressant au sommet d'un bloc immense de rochers à pic, dominant eux-mêmes, comme une muraille, tout le village de Sorio, qui couvre la colline dont ce pic est le couronnement. Cette Casa Torre appartient, depuis des siècles, à l'une des plus honorables familles de l'île, ce qui ne l'empêche pas d'être traditionnellement connue pour avoir été visitée par tous les bandits fameux et pour leur avoir successivement servi d'asile. Les Corses sont essentiellement hospitaliers et sous ce rapport, les Écossais et les Arabes n'auraient rien à leur remontrer. Il n'y a pas encore 10 ans qu'il n'existait à Sorio aucune auberge. Le voyageur, en arrivant, s'arrêtait sur la place publique et s'informait au premier passant de l'endroit où il trouverait le lit et la table. On ne manquait jamais de lui désigner la maison Torre. La chose est restée en proverbe « In casa Torre non si piega mai la tavolia ». Dans la maison Torre, on ne plie jamais la nappe. On comprend que les bandits ne traversaient pas le pays sans profiter d'une si bonne occasion et faisaient là volontiers une halte souvent trop prolongée, l'habitation étant inexpugnable comme une forteresse et machinée d'eux-mêmes. Une vraie construction faite en prévision du banditisme. Seulement, ces hôtes peu enviables avaient la plupart du temps une manière à eux de s'annoncer. Tous les jours, c'étaient des missives ainsi conçues. Arrivero a pacchiare alla vostra porta. Tenete pronto a aprire. A qua in banca se tenete alla vita. Je frapperai à votre porte à minuit. Soyez prompt à ouvrir. Si vous tenez à la vie, soyez muet. C'était signé Galocchio, ou bien Rinaldo, ou Teodoro, ou Santa Lucia, Giacomo Filippo, Boccolone, etc., pour ne citer que quelques-uns des noms les plus fameux. On comprend qu'une pareille invitation n'admettait pas de refus et que, bon gré mal gré, il fallait s'exécuter et recevoir ces messieurs qui se trouvaient si bien dans le logis qu'il devenait souvent difficile de leur persuader de partir malgré les remontrances des chefs de la famille. La description des lieux achèvera de faire comprendre cette préférence. La maison, avons-nous dit, est bâtie sur l'étroit plateau d'un rocher à pic et sa façade domine le village et toute la vallée du Nebbio. De ses croisées, on distingue 9 autres paroisses, ce qui est presque unique dans cette contrée hérissée de montagnes limitant l'horizon. Elle a 2 étages, des combles terminés par un toit aigu, une cave immense, et sous cette cave, des souterrains circulant dans les entrailles du rocher qui lui sert de base. On raconte que le dernier chef de la famille, mort il y a quelques années seulement, poursuivi lui-même pour un fait de meurtre, dans des circonstances qui sont tout un drame, resta pendant 2 ans que durèrent les poursuites dirigées contre lui dans sa maison, sans qu'aucune descente ni perquisition permît de le découvrir, quoique du village d'en bas on pût l'apercevoir à sa croisée avant et après la présence de la justice et des gendarmes. Le premier étage de cette espèce de citadelle a 6 vastes pièces, le second en a 8. Toutes ces pièces se commandent et l'escalier est au bout. L'entrée de la maison donne sur le derrière. On ne saurait y accéder que par un sentier contournant la colline d'1,50 m à peine de largeur dans certains endroits, et où un cheval, chargé de sacs ou de paniers à peine à passer. Souvent, on est obligé de déposer une partie de la charge et de revenir la chercher. Un peu en arrière et en déclivité sur la même esplanade sont encore 2 autres maisons, se faisant face et se dressant sur chaque bord de ce chemin escarpé resserré entre elles. La province du Nebbio, sur laquelle domine la Casa Torre, n'est pas un des sites les moins pittoresques de ce pittoresque pays. Elle se compose de quatre cantons, Saint-Florent, petite ville fortifiée située au fond du magnifique golfe qui porte son nom, Oletta, Morato, Santo Pietro di Tuda. Les quatre chefs-lieux sont distribués presque à égale distance l'un de l'autre autour de la chaîne de montagnes qui forme à la province une ceinture sans solution de continuité. C'est en effet un bassin affectant la forme d'une immense cuvette et qu'on désigne sous le nom de Conca di Nebbio, Conca di Nebbio. Le centre présente l'aspect d'une magnifique plaine couverte d'oliviers gigantesques, car le Nebbio est renommé pour son huile. Celle de Sorio a obtenu, en 1855, la médaille d'or à l'exposition universelle, et cependant, dans les bonnes années, elle ne se vend guère que 40 à 50 centimes le demi-kilo. Le général Paoli, apercevant le Nebbio pour la première fois, s'écriait « Nebbio, Nebbio, conca d'oro, valle di tradimento !» Nebbio, conque d'or, vallée de trahison. En effet, ces montagnes et ces rochers ont de tout temps favorisé la tactique et les ruses de l'ennemi ou des bandits. La famille à laquelle appartient la Casa Torre fut jusqu'à ces derniers temps l'une des plus aisées du canton, ce qui lui permettait d'exercer sa large hospitalité. Mais elle a été en partie ruinée par la perte d'un procès fameux dans l'île qui a duré 20 ans et auquel se rattache le fait de Vendetta qui obligea son chef à se cacher pendant plusieurs années. Vers le milieu de 1852, un jour que les chefs de la famille étaient partis à Bastia, ne laissant au logis que leurs deux fils et une vieille servante, il arriva quelque chose de fort singulier. Le plus jeune des garçons, il avait alors 14 ans à peu près, ayant voulu entrer dans une pièce du premier étage pour prendre ses livres et aller à l'école, trouva la porte fermée. Assez intrigué, car d'habitude pas une porte ne fermait dans la maison, il s'acharna après la clenche, mais il sentit qu'on l'avait immobilisé à l'intérieur au moyen d'une clavette, et là-dessus, il commençait à s'exclamer quand au bout de la pièce voisine, il aperçut son aîné lui adressant vivement le geste de se taire. C'était un garçon intelligent et non sans énergie, car dès l'âge de 12 ans, ayant su que son père avait une affaire avec un de ses proches parents, on l'avait bel et bien rencontré dans la campagne, un fusil en bandoulière, à la recherche de l'ennemi. Il avait vu les bandits les plus redoutés chercher asile à la casa, et du premier coup, il comprit qu'il se passait quelque chose de pareil. La physionomie de son frère disait même que c'était particulièrement grave. Il commençait donc à s'éloigner, fort soucieux de s'en aller à l'école sans son bagage, quand la porte s'entr'ouvrant toute seule, il vit passer une main qui lui faisait signe d'approcher. Talonné aussi par la curiosité, il se hâta d'obéir, mais aussitôt, à portée de la main, il se sentit saisi et attiré à l'intérieur. Là, il se trouva en présence de deux particuliers qui, en tout autre pays et un tout autre garçon, auraient causé une peur affreuse. Noir, barbu, hérissé, chaussé de guêtres et presque vêtu en entier de cuir ou de peau de bique, ils avaient la ceinture garnie de stylets et de pistolets. Leurs escopettes reposaient à portée de la main sur la table. Pendant que l'un remettait la cheville sur la clenche, l'autre dit à l'enfant, dont la bonne contenance l'étonnait, « Nous connais-tu ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. « Toi, tu es le roi de la Balagne, et toi, » dit-il à l'autre, « le compère Arrighi, comparé Arrighi. » Arrighi ne sortait jamais à cette époque sans être muni d'une ceinture portant double rang de cartouches de 18 chacun. « Maledetto !» se récrièrent-ils. « Comment le sais-tu ? » ?»« Bon, ne vous ai-je pas vu plus de 10 fois traverser le village, les scopettes sur l'épaule et tout le monde disant vos noms ?» Les bandits échangèrent un regard et celui qu'on appelait le roi de la Balagne, grossissant sa voix, reprit. « Que venais-tu chercher ici ?»« Mes affaires d'école, que voilà. Je vais être en retard et vous serez cause qu'on va me punir. »« Corpo di Bacco !» jura l'un. « Le drôle de petit !»« Coquin !» fit le chef. Évidemment très adouci. Si je te laisse aller et que tu rencontres les gendarmes, tu vas nous dénoncer. Pour qui me prends-tu ? Se récria l'enfant avec un ton d'indignation saisissant. La nappe est toujours mise dans la Casa Torre et les gendarmes n'y ont jamais pris personne. J'ai vu ici compère Galacchio caché une fois entre autres pendant 8 jours et nous a balancé, mon frère et moi, dans notre berceau. J'ai vu Rinaldo qui m'a fait sauter sur ses genoux et bien d'autres qui vous valaient. Tiens, tiens, fit Arrighi, est-ce que tu n'es pas le neveu du curé de Santa Lucia? Certainement. Et n'est-ce pas ton oncle qui, ayant été rencontré dans la campagne par Rinaldo en compagnie de l'ennemi de celui-ci, fut criblé avec lui de grains de plomb? C'est vrai. Mais Rinaldo a expliqué que ce n'est pas mon oncle le curé qui l'avait visé, que c'était seulement son homme, et qu'il était au désespoir que la charge eût écarté. Personne de notre famille ne lui en a voulu. Allons, je vois que tu es un brave. Prends ton bagage et va à ton école. Il faut dire que l'on était alors au plus fort de la terreur semée dans le pays par la bande des Massoni. Cette bande se composait de 7 individus. Les deux chefs étaient Massoni, l'aîné, que les paysans avaient baptisé le roi de la Balagne, et Arrighi, justement les deux hôtes actuels de la Casa Torre. Évidemment, le reste ne devait pas être loin. Des renseignements puisés aux sources officielles nous apprennent qu'au moment où cette aventure se passait, vers octobre 1852, il n'y avait pas en Corse moins de 231 bandits tenant audacieusement la campagne. En 1851, le nombre des assassinats ou meurtres commis dans cette petite île avait été de 154. L'année courante menaçait d'en donner davantage. Les autorités, la troupe, la gendarmerie ne prenaient pas de repos, mais l'audace des bandits redoublait avec leur activité. Le chiffre le plus élevé depuis 1821 avait été de 128 en 1848. En 1834, il y en avait eu 203. L'année la moins éprouvée fut 1826, où il n'y en a eu que 82. La moyenne, dans cette période de 1821 à 1852, dépassa 125. Ces bandits, ne négligeant aucune tactique, trouvaient, quand on les serrait de trop près, ou en nombre trop imposant, une place de refuge très appréciée par eux en Sardaigne. En 2 heures, une barque bien manœuvrée fait aisément le trajet d'une île à l'autre, et les innombrables criques qui découpent les rivages méridionaux de la Corse sont autant de ports d'embarquement qui, à raison de leur nombre même, échappent à toute surveillance sérieuse. Le roi de la Balagne et son état-major usaient habilement de cette facilité, et ainsi s'explique leur disparition subite au moment où toutes les brigades de la Corse battaient les monts, les bois et les maquis à leur traque. Le danger passé, les convicts, renseignés par leurs affidés, revenaient en Corse reprendre le cours de leurs exploits. D'autres bandits, plus casaniers, ont formé en Sardaigne une véritable colonie. Leur nombre, grossissant d'année en année, a fini par attirer l'attention du gouvernement italien. D'accord avec la France, il fut établi en 1850 une croisière composé d'un navire de guerre de chacune des deux nations dans le détroit de Bonifacio qui sépare les deux îles. Malgré cette précaution qui témoignerait elle seule de la gravité des choses, la commission internationale instituée dans le même but constata que les bandits corses continuaient à passer d'une île dans l'autre sans paraître s'inquiéter beaucoup des croiseurs et que plusieurs d'entre eux paraissaient avoir formé sur le territoire sarde un établissement permanent. Rien n'y faisait donc, et quand on arrivait par fortune à s'emparer d'un bandit vivant, l'insuffisance de la répression pénale n'était pas faite pour décourager les autres. À chaque session des assises, les rapports des procureurs généraux et la notoriété publique signalaient des acquittements scandaleux. Nous voyons, en suivant les travaux officiels, non seulement le bénéfice des circonstances atténuantes constamment prononcées, mais l'excuse banale de la provocation admise contre l'évidence des faits et abaissant souvent la peine de l'assassinat le plus prémédité aux proportions de simples jugements correctionnels. On explique aisément cette anomalie par la condition du jury en Corse. D'une part, l'autorité ne pouvant y protéger aussi efficacement qu'en France la sûreté des personnes. De l'autre, le jury corse se trouvant en butte à des menaces, à des intimidations compromettant l'indépendance de son vote. C'est ce qui décida la commission à solliciter en 1852 la suspension de cette juridiction et le retour à la cour criminelle ayant déjà fonctionné de 1810 à 1830. C'est aussi ce qui amenait les décrets de désarmement qui sont restés absolument illusoires et l'interdiction du port d'armes qui n'a pas produit des résultats plus sensibles. Enfin, l'administration ne sachant plus à quel expédient recourir contre l'audace des bandits et la complaisance volontaire ou forcée des paysans, en vint à imposer aux propriétaires des espaces riverains des voies publiques une servitude d'écartement à 50 mètres de chaque côté de la route. Cette mesure fut inspirée par cette expérience durement acquise que les meurtres et les assassinats se commettent en Corse à l'aide du guet-apens. On veut une vengeance certaine et non un combat chanceux. Tous les documents attestent que les meurtriers ne tirent qu'à coup sûr, à petite distance, embusqués derrière un arbre, un rocher et surtout cachés dans l'épaisseur du maquis, presque jamais sur un terrain découvert. La bande des frères Massoni et d'Arrighi se signalait journellement par des exploits de ce genre. Massoni aîné, qui la commandait, extorquait annuellement aux habitants de la Balagne, dont il s'intitulait le roi, des sommes évaluées à plus de 40 000 francs, indépendamment des réquisitions sommaires de tous les objets à sa convenance. On vit également à cette époque un seul bandit tenir prisonnier dans leurs murailles pendant plusieurs mois les habitants de Bonifacio, une ville de 3 400 âmes. Tout habitant aisé qui s'avisait de franchir les portes courait le risque d'être arrêté. Entraîné dans les maquis, il n'obtenait sa liberté qu'autant que sa famille ou ses amis consentiraient à payer la rançon fixée par le brigand. Ce n'est pas tout. Ce bandit levait sur les habitants aisés des contributions qu'il fallait payer sous peine de mort. Intervenant dans les affaires publiques et privées, il dictait le choix dans les élections, imposait le parjure aux témoins appelés devant la justice, ordonnait des ventes dont il fixait le prix, des mariages dont il réglait la dot, enjoignait au débiteur de payer sa dette, ou interdisait aux créanciers de poursuivre le paiement de sa créance. Et il fallait obéir sous peine de mort. Le roi le voulait. Si, pour se soustraire à ces humiliantes exactions, on cherchait un asile dans les villes, qui, on vient de le voir, n'offraient pas toujours une protection efficace, l'incendie des maisons, les mises en interdit des terres, suppléaient aux violences contre les personnes. Dans le langage du pays, on appelle cela « mettre une terre en ferme au soleil ». L'audace des bandits, encouragée par cette longue impunité, avait même tenté d'imposer ses volontés aux autorités. Nous ne sommes pas loin de l'époque où les brigades de gendarmerie étaient assiégées dans leurs casernes par ceux-là même qu'elles avaient mission de poursuivre et d'arrêter. Et le rapport publié en 1853 constate que jusqu'à cette époque, les administrations dont les services s'accomplissent loin de la protection de l'autorité, les douanes, les ponts et chaussées, ne pouvaient recruter et maintenir leur personnel qu'en tolérant la neutralité de leurs agents entre la force publique et les bandits. Le douanier, le cantonnier soupçonné de devoir fournir renseignements ou assistance à la gendarmerie, n'aurait pas eu 24 heures à vivre. En 1849 ou 1850, Massoni alla jusqu'à prétendre imposer à des entrepreneurs de route des conducteurs de son choix. Et comme l'ingénieur en chef refusa de souffrir un pareil acte, deux cantonniers furent fusillés coup sur coup, en plein jour, par le bandit, au milieu d'un atelier de plus de 200 de leurs camarades, paralysés par la panique. Un troisième cantonnier, frère de l'une des premières victimes, à moitié fou de terreur, n'osa reparaître sur la route que lorsque, par l'intervention des parents du roi de la Balagne, il eut obtenu de celui-ci promesse de vie sauve. La position de bandit, naguère motivée par des actes qui parfois ne manquaient pas de grandeur dans leur férocité même, était devenu un métier lucratif, une source d'influence. On cite ce fait significatif d'une famille qui, pendant plusieurs années, dissimula la mort d'un contumace pour ne pas perdre le prestige dont elle jouissait grâce à cette parenté. Mais revenons à la Casa Torre avec notre jeune garçon, le retour de son école. S'étant fait ouvrir, non sans peine, et après s'être nommé, il retrouva dans la chambre où il les avait laissés les deux hôtes, dont l'auteur de l'intéressant ouvrage « La vendetta et le banditisme » nous fournit les portraits en ces termes. Pierre-Jean Massoni était âgé de 45 ans environ. Il avait une taille élevée et une figure d'une sauvage énergie. Quand il fixait quelqu'un, ses yeux ressemblaient à des charbons ardents. Il avait été soldat et gendarme. Xavier Massoni, le cadet, était aussi un ancien militaire. D'une nature froide, d'un caractère dissimulé, il était le conseil de la bande dont Pierre-Jean était le chef. La troisième personne de cette trinité était Mathieu Arrighi, âgé de 22 ans, né ainsi que les Massoni dans la commune de Marignana, canton d'Evisa. Sa figure replète et vulgaire, sa petite taille, ses cheveux roux et crépus, sa barbe à peine naissante, n'annonçaient guère la vigueur dont il devait donner bientôt une preuve éclatante. Dans la maison Torre, Massoni aîné et Arrighi, assis devant une table, au milieu de la pièce, confectionnaient des cartouches. Le papier allait leur manquer quand ils aperçurent le bagage de l'écolier. Ils s'en emparent et se mettent à dépecer les cahiers. Mais à la vue de ses devoirs mis en pièces, le gamin s'élance sur eux en criant comme un beau diable. « Non, non ! Le papier blanc tant que vous voudrez, mais pas mes devoirs ! Je ne veux pas que vous preniez mes devoirs !»« Et perché ?» demande Massoni, surpris. « Parce qu'il n'y a pas 15 jours, compère Pietro, le neveu du curé de San Gavino, a été reconnu pour avoir tué son cousin Giacomo au débris de cartouches, parmi lesquels se trouvait un morceau du missel de son oncle. Je ne veux pas qu'on puisse m'arrêter aussi, moi, si l'on reconnaissait mes devoirs. » « Ah, petit diable !» s'écrièrent à l'envi les deux brigands. « Tu deviendras toi-même un fameux compère. » Là-dessus, ils se disputèrent à qui l'embrasserait, et s'étant remis à la besogne, ils lui donnèrent une leçon de cartouche, tout en lui racontant leurs hauts faits qu'ils écoutaient avec une naïve admiration. Quand ils jugèrent la provision suffisante, Arrighi garnit sa fameuse cartouchière et dit à l'enfant, en lui montrant les 36 cartouches, « Vois-tu, comme Paruccio, petit compère, en voilà 35 pour les gendarmes, et s'ils me prennent, la 36e sera pour moi. À présent, nous allons te donner une leçon d'exercice. » Ils se mirent à lui démontrer comment il fallait s'y prendre pour charger prestement une carabine sans se servir de la baguette, en frappant seulement la crosse d'un coup net et bien appliqué. Puis, ils lui montrèrent qu'il pouvait tirer par ce procédé 5 et 6 coups à la minute. Au milieu de cette belle leçon, survint la vieille servante qui la perd chacun par un bras et garrotèrent jusqu'à ce que le frère aîné leur eût juré que c'était une femme très fidèle, une vraie Corse dont ils n'avaient rien à craindre. Ils la relâchèrent à condition qu'elle leur servît promptement à dîner. Le jeune garçon, qui était fort observateur, remarqua que pour manger, ils s'étaient mis l'un à côté de l'autre, face à la porte, la carabine entre les jambes, et que leurs pieds se touchaient constamment de façon à se donner un signal aux premiers symptômes suspects. Au bout de 3 à 4 jours, le père de famille étant de retour, ils lui dirent « Nous avons été bien reçus chez toi, et nous allons partir contents. Nos cartouches sont à ton service. » « Nomme-nous ton ennemi, nous t'en délivrerons. »« Mon ennemi, » répondit le vieux Corse, dont le teint se colora légèrement. Il s'arrêta et acheva, après une seconde. « Merci Pierre-Jean, merci Mathieu. Si j'avais un ennemi, je ne réclamerais pas le secours d'un autre. Mais je n'en ai pas. »« Si fait, » insista Massoni, « tu en as un qui t'a outragé, qui t'a dépouillé. Mais à cause de ta sœur dont il est le mari, tu l'épargnes. » « Eh bien, lève un doigt et je te venge. »« Non, non, » répéta le vieillard. « Mon frère le curé nous a défendu de tuer. C'est le Dieu juste qui sera notre vengeur. Encore une fois, merci, je refuse. »« À ton aise, mais que le Dieu juste fasse aussi que tu ne sois pas frappé par celui que tu aies la faiblesse de ménager. »« À présent, toi, comme Paruccio, » dit-il à l'enfant qu'il avait pris en affection, « tu vas aller à la maison qui est placée à droite en arrière de la tienne. Tu frapperas et tu demanderas « Compare mezzano, compère moyen. » Ces bandits évitaient de jamais prononcer leur nom. Ils se désignaient suivant leur âge et leur rang dans la bande. « Compare Maio, le grand compère, c'était Massoni l'aîné. Compare mezzano, etc. » « Après, qu'est-ce que je lui dirai ?»« Tu lui diras, compare, tu veux tenir prêt 3 bouteilles de vin et 4 pains. »« C'est tout ?»« C'est tout. » La commission faite, le messager rentra et acheva tranquillement la journée avec ses redoutables amis. Ainsi qu'on le devine et que le comprirent les habitants de la Casa Torre, c'était un mot d'ordre, et d'alors le jeune messager, dont la tête travaillait beaucoup, ne perdit pas un seul mouvement des deux convicts. Le soir venu, au premier coup de 7 heures, arrivant du clocher de la petite église située au bas du plateau, ils se levèrent de leur chaise. Au second coup, ils éteignaient toute leur lumière. Au troisième, ils ordonnaient aux jeunes gens de ne pas bouger et surtout de ne pas les suivre. Avant le 7e, ils étaient dans l'étroit chemin creux que nous avons décrit. En même temps, les deux frères, s'étant mis à la fenêtre de ce côté, virent sortir de la maison de droite 2 autres bandits, dont l'un était le compère Mezzano, Xavier Massoni, et de la maison de gauche encore 3 compagnons complétant la bande. Le chiffre de 3 bouteilles et 4 pains indiquait le rendez-vous pour 7 heures et le nombre de 7 camarades. Où allait-il ? Et quelle affaire grave les appelait dehors. C'est encore un des épisodes caractéristiques de cette vie et de ces mœurs de bandits, moitié chevalier errant, moitié brigand. Il se rendait à 20 minutes de Sorio au village de Pieve. Là, dans la principale maison de l'endroit, habitait le capitaine Galeazzini, vieux militaire retraité qui, en cet instant, faisait bourgeoisement la veillée au milieu de sa famille. Ils entrent sans frapper, bien entendu, l'arme au poing, et d'un geste significatif imposent le silence et l'immobilité. Deux des plus vigoureux mettent des entraves au capitaine et l'enlèvent sans lui laisser prononcer un mot, sans en prononcer un eux-mêmes, tel qu'il se trouvait, en casaque et en pantoufles. Massoni et Arrighi restent un quart d'heure, tenant en joue les gens présents qui n'osent bouger. Puis lorsqu'ils jugent que leurs camarades ont eu le temps de prendre de l'avance, « À présent, » dit Massoni, « nous vous laissons. Rien à craindre pour vous, si vous restez muet et tranquille. » Mais le capitaine, « il ne tiendra qu'à lui de revenir. » Et il disparaît avec son compagnon. Mais ils n'étaient pas au bout du village, qu'en dépit de leurs injonctions, tout le monde se précipitait dans la rue. On allait à l'église, on sonnait le tocsin, chacun s'armait et courait sur la piste des bandits, entravés et retardés par leur fardeau. Se voyant gagner de vitesse, ils s'arrêtent pour faire face à l'ennemi, tirent à la volée quelques coups de fusil, et l'un d'eux, s'avançant à portée de la voix, déclare aux paysans qu'à la première attaque, le capitaine sera poignardé. Chacun savait qu'une telle menace était implacablement tenue. On dut renoncer à la poursuite. Les bandits, contraignant alors le prisonnier à marcher, l'amènent au fond du vallon dans un moulin à olives appelé Molino Nuovo, dont ils consignent les habitants à l'écart. Puis, se posant en accusateur et ses compagnons en juge, le roi de la Balagne prend la parole. « Galeazzini, dit-il, le mois dernier, tu t'es comporté comme un voleur vis-à-vis d'une pauvre veuve qui nous a abrités et s'est adressée à nous pour obtenir réparation. Après lui avoir promis 11 francs pour un jeune porc, tu n'as plus voulu lui en donner que 7 quand tu l'as eu en ta possession. Tu vas t'engager sur l'honneur à compter à cette femme le double de la somme convenue d'abord. « Je le promets, » répondit le capitaine. « Bien, demain alors tu seras libre. Et n'essaie pas d'éluder cette promesse, tu sais ce qu'il t'en coûterait. » Là-dessus, ils le gardèrent encore avec eux la nuit. Au matin, ils le firent assister à leur tir pour lui en montrer la précision et la portée extraordinaire, et ils lui donnèrent à déjeuner. À la fin du repas, ayant entendu dans le voisin chemin les clochettes des mulets du messager de Sorio, qui revenait de Saint-Florent, ils l'arrêtèrent et lui ordonnèrent de reconduire le capitaine chez lui, sain et sauf, en lui payant eux-mêmes le prix du retour. Certes, s'ils ne se fussent jamais signalés que par des traits semblables, on ne comprendrait pas la terreur inspirée par eux. Malheureusement, au fait d'extorsion déjà raconté, il faut en ajouter d'autres d'une rare barbarie. On juge par ce qui précède que l'audace et les méfaits de cette bande terrifiant le pays ne permettaient plus à l'autorité de se borner aux mesures ordinaires, complètement dérisoires. Une colonne de gendarmerie mobile fut mise à leur recherche, avec ordre de les relancer et de les traquer sans repos ni trêve. Elle fut confiée à 2 militaires inexpérimentés, ayant déjà la pratique de ces expéditions, le chef d'escadron Sexe et le lieutenant Virgetti. L'auteur déjà cité du livre, La Vendetta et le banditisme, nous montre alors Massoni aîné et ses complices traqués de tous côtés et contraints de gagner du terrain en élargissant le champ de leurs exactions et de leurs attentats. Ce ne fut plus seulement la Balagne, ce fut aussi le Niolo qui en devint le théâtre. Le canton des Visas reçut leur visite de prédilection. C'était leur berceau et ils y possédaient des parents et des relations. Les montagnes des deux régions leur offraient des retraites inaccessibles et leurs alliés leur servaient d'éclaireurs. Mais les indigènes de Niolo, presque tous bergers et gens d'un caractère énergique, n'acceptaient pas aussi docilement que leurs voisins ces incursions et ces rapines. Les Massoni décimaient leurs troupeaux pour se nourrir. Chaque tête de bétail qui tombait ajoutait un grief à leur compte, et les ennemis qu'ils se créaient de ce côté devaient les perdre. Déjà la bande avait vu tomber sous les balles 2 ou 3 de ses membres, lorsqu'un jour de foire, ceux qui restaient, et que commandait toujours le roi de Balagne, s'étant renforcés de 4 de leurs plus fidèles alliés de la commune de Cortia, abattirent dans la campagne 2 chèvres pour leur souper. Puis, en portant ce butin, ils prirent la direction d'un lieu impraticable, hérissé de rocs escarpés, dont eux seuls connaissaient toutes les retraites, et nommé Pennarossa. Le berger les laissa filer, feignant de ne rien voir et d'accepter la chose cette fois comme les autres. Mais bientôt, profitant de leur fausse sécurité, et non moins familiers qu'eux avec la région des rochers, ils se mettent adroitement sur leur piste, prennent de bons points de repère, et quand ils s'est assurés de l'endroit où ils doivent passer la nuit, ils courent donner l'éveil à la brigade de gendarmerie la plus proche. À travers la nuit, le feu allumé imprudemment par les bandits pour faire rôtir leur butin servait de fanal à leurs adversaires. Après le souper, Massoni aîné se couche dans le creux d'un rocher avec deux hommes qu'il avait suivis. Son frère Xavier, Arrigui et les deux autres s'installent dans une grotte voisine. Tous dormaient encore en pleine tranquillité quand, à la pointe du jour, deux brigades, ayant employé le temps à les cerner, se trouvèrent les resserrer dans un cercle étroit. Un gendarme nommé Muselli, allant en éclaireur, atteignit la pointe de rocher surplombant l'endroit où dormaient Massoni et ses deux compagnons. De cette espèce de promontoire, il ne pouvait distinguer que les jambes des dormeurs, et craignant de commettre quelque erreur, il fit successivement tomber sur eux plusieurs petites pierres qui finirent par les réveiller. Massoni, réveillé en sursaut, se dresse vivement et reconnaissant face de lui Muselli, qui avait été son compagnon d'armes dans l'armée régulière, il lui crie « Ah, c'est toi, traître, qui relance un ancien ami. Eh bien, reçois ceci. » Et il tend le bras pour le viser de son pistolet, mais le gendarme, déjà en garde, le prévient, décharge sur lui un des coups de son fusil et le tient couchant joue sous la menace de l'autre. Le roi de la Balagne, atteint mortellement, lâche son pistolet, roule et se débat dans d'atroces convulsions. Les gendarmes, sachant qu'il avait des compagnons cachés dans les creux voisins, évitent de se démasquer, attendant la fin de la crise. Cet étrange bandit, alliant la férocité à un sentiment religieux grossier comme lui, portait toujours dans ses habits un livre de prière. Se sentant frappé à mort, il crie dans la direction d'où la balle est partie. « Que celui qui m'a tué réponde !»« C'est moi !» fit la voix de Muselli. « Eh bien, descends, récite avec moi les dernières oraisons !» Et rejetant loin de lui ses armes, son poignard, il promet sur sa foi de chrétien de ne pas frapper son meurtrier. Mais celui-ci, peu soucié de se fier à cette parole, refuse nettement. Alors le mourant se traîne jusqu'à son pylône, dans la poche duquel est son livre, le prend par un dernier effort, l'ouvre, commence à lire lui-même d'une voix haletante et rend le dernier soupir. Ainsi périt ce redoutable brigand. Mais il restait les compagnons de sa dernière étape. L'explosion répétée par une succession d'échos remplit la montagne comme un roulement de tonnerre. Une partie des bandits parvient à s'échapper sans laisser de traces. Trois gendarmes accourent pour savoir ce qui se passe et prêter aide à leurs camarades. Ils aperçoivent au fond de la gorge un homme qui, à leur approche, s'arrête derrière un rocher, fait feu sur eux, en tue un, en blesse un second, le brigadier Orsatoni, et reprend sa course. Le troisième gendarme l'ajuste et le touche, mais légèrement. Il se relève et disparaît dans un fourré. Sur les trois chefs que l'on est sûr d'avoir cernés, un est là, étendu, l'autre vient de s'échapper. Il en reste un, et les deux brigades, d'un commun accord, décident de l'avoir à tout prix en resserrant leurs cordons autour de la petite vallée. Un ancien magistrat de la cour de Bastia, Félix Bertrand, a donné sur ce fait d'armes des détails que nous compléterons chemin faisant par nos propres renseignements. À une nuit de veille, qu'aucune alerte n'a troublée, succède un jour calme et silencieux. Les guides se déclarent impuissants à rien découvrir, mais leur réserve est suspecte. On se décide à procéder à un nouvel et plus minutieux examen. Le vallon est sauvage, étroit, hérissé de broussailles. Sur la petite langue de terre qui sépare deux ruisseaux, coulant au fond, se dressent deux grands arbres d'une végétation extraordinairement touffue. La pente est garnie de roches aiguës et de bruyères. Les officiers, attentifs, semblent attendre un avis mystérieux, les yeux fixés sur l'un des deux arbres du fond du vallon. À un certain moment, en effet, l'épais feuillage s'entr'ouvre et une tête apparaît. C'est celle d'un gendarme, grimpé durant l'obscurité pour plonger de ce poste élevé sur la grotte. Le malheureux n'a pas plus tôt trahi sa présence que cette grotte parte de deux coups de feu qui l'abattent. En tuant le soldat, le convict a révélé sa propre présence dans la grotte. Il est là, mais comment le joindre? Le repère est penché sur un précipice qui le rend inabordable de trois côtés. C'est un creux formant deux compartiments peu spacieux, communiquant ensemble par une étroite ouverture où l'on ne peut passer qu'en rampant. La position est tout à l'avantage du brigand. En vedette sur le devant, il domine le site. En cas d'assaut, il se retire dans la seconde partie, d'où il égorgera impunément tous ceux qui, un à un, oseraient se présenter. Il tiendra jusqu'à l'épuisement de ses provisions, et ses munitions sont formidables. Deux jours se passent dans une inaction forcée. On espère réduire le bandit par la famine, mais rien n'annonce de défaillance de sa part. Des renforts arrivent, on appelle même des ingénieurs militaires. L'autorité décidée à user des grands moyens. Après avoir essayé de parlementer, sommer le bandit de se rendre et reçu pour réponse plusieurs décharges, on se met à agir. Des soldats du génie escaladent la grotte par derrière, occupent la plateforme qui la recouvre, y préparent une chambre, la chargent avec une caisse contenant 15 kilos de poudre et mettent le feu à la mèche. Une explosion effroyable retentit. La montagne tremble, les rochers projettent leurs éclats. Les assistants, haletants et silencieux, interrogent l'espace. Un éclat de rire strident répond au tonnerre de la mine et le bandit apparaît au milieu de la fumée qui se dégage et leur crie « Le petit Harry y vit encore !» et disparaît. C'est par cette bravade qu'ils surent que l'assiégé était Arrigui et que par conséquent, le fugitif de l'Amambeille était maçonné jeune. Devant cette apparition, les guides, naturellement superstitieux, crurent avoir affaire à un démon et peu s'en fallut que les soldats ne partageassent leurs croyances. Les officiers eurent besoin de toute leur énergie pour les remonter. L'après-midi s'avançait et l'on ne voulait pas être pris par la nuit avant de tenter un nouvel effort. On songea alors à renouveler le procédé employé par Pélissier contre les Arabes réfugiés dans les cavernes. Les soldats du génie abattirent des sapins qu'on fit rouler au-dessous de la retraite d'Arrigui. On entassa par-dessus un monceau de bruyère et de broussailles, et l'on jeta des brandons pour allumer ce bûcher improvisé, espérant que la fumée pénétrant dans l'antre obligerait le bandit à sortir. Une flamme immense ne tarda pas en effet à s'élever, forma un rideau de langues ardentes où se déroulant une danse. Une flamme immense ne tarda pas en effet à s'élever, forma un rideau de langues ardentes où se déroulant en spirale, à travers les ténèbres qui maintenant enveloppaient cette sauvage et grandiose nature. Les soldats observaient une consigne scrupuleuse, échangeant d'un poste à l'autre le cri de la veille « Sentinelle, prenez garde à vous !» Dès que cet appel avait été répété circulairement par la dernière voix, Arrigui reprenait et criait à son tour « Sentinelle, prenez garde à moi !» Il plaisantait les gendarmes et les provoquait. Une fois, s'adressant à l'un d'eux à qui un jeune garçon avait apporté des vivres, « Quant à toi, lui dit-il, je te tenais tantôt au bout de mon fusil, et je t'aurais tué pendant ton déjeuner, si je n'avais vu ton fils à tes côtés. » Ce qui ne l'empêcha pas de tuer, l'instant d'après, un autre gendarme qui allait puiser de l'eau au ruisseau en face de l'asile où il se tenait. On l'entendait par intervalles remuer des pierres pour ajouter à la solidité de ses fortifications naturelles. On rapporte que, n'ayant plus ni vivre ni eau pour se rafraîchir, il creusait le sol avec un caillou et appliquait ses joues contre la terre humide. Le quatrième jour parut. Depuis le commencement de cette lutte inouïe, il n'avait pas fermé les yeux et s'était tenu dans une activité constante. On lui annonça que des dispositions décisives allaient être prises et que cette fois c'était son extermination. Rien n'y fit, ni les conseils, ni les menaces. Il répond par son invariable ironie. La soif, la faim, la fatigue n'ont pas prise sur cette nature d'acier. Vers le milieu de la nuit, à la clarté de la lune, les vigies aperçoivent une forme qui s'agite et paraît s'avancer à l'ouverture de la grotte. On tire dessus, mais on reconnaît qu'on a été dupe d'une nouvelle feinte. La forme entrevue était un mannequin, le manteau et le chapeau du bandit placés au bout de son fusil. Profitant de ce moment d'hésitation des assiégeants, il s'élance d'une hauteur de 7 à 8 mètres et reprend sa course. Son fusil s'abat sur lui. Les détonations éclatent, mais la précipitation du tir nuit à la précision. Il trouve moyen de franchir 2 postes. Mais enfin, au 3e, une balle l'atteint et l'abat. Un des gendarmes lui crie de se rendre. « Viens me prendre !» répond-il en ricanant. Puis, se sentant perdu et ne voulant pas être saisi vivant, « Visez à la tête !» s'écrie-t-il. Il se soulève en s'arc-boutant au rocher au milieu desquels il est affaissé et présente son front à ses ennemis. Comme il était encore armé, et qu'en cherchant à le joindre, on eût exposé la vie de braves militaires, on n'hésite pas. Pour lui épargner ce dernier crime, on tire, et il tombe, criblé de balles. Mort héroïque, digne d'une meilleure cause. Cependant, il restait un des membres du terrible trio, Massoni jeune, que nous avons vu s'enfuir, malgré ses blessures, dès le second jour du siège. C'était un malfaiteur aussi déterminé et aussi redoutable que les autres. Les ordres de l'autorité supérieure pressaient le lieutenant de gendarmerie Birghetti, chargé de l'entreprise, de ne pas rentrer sans un résultat. Les difficultés semblaient insurmontables. Le rapport constate que la gendarmerie battait en vain le pays. À cette époque, plus qu'à aucune autre peut-être, les bandits étaient insaisissables, trouvant partout asile, non seulement chez les receleurs associés à leur déprédation, mais chez les habitants aisés et chez les maires eux-mêmes. Xavier Massoni inspirait une si grande terreur que nul n'aurait osé lui fermer la porte ni le dénoncer. Il trouva des gens qui le transportèrent sur un mulet jusqu'à une autre grotte du Monte Cinto, à environ 4 lieues, et qui poussèrent la déférence jusqu'à lui amener un médecin pour le panser. Un vieux pâtre lui portait du laitage, de l'eau et des fougères pour se coucher. Il était exactement renseigné, avait reçu les détails de la destruction de son frère et d'Arrighi, et savait jour par jour les marches et les dispositions de la gendarmerie. Pendant quelque temps, il dut espérer que cette fois encore l'insuccès fatiguerait ses adversaires. Mais il avait affaire à un militaire intrépide et piqué au jeu. Le lieutenant Birghetti ne négligeait rien, il arrêtait les receleurs, intimidait les populations, complices par faiblesse et par lâcheté. Enfin, un paysan qui gardait rancune aux Massoni livra le secret de la grotte. La disposition des lieux permit de procéder tout de suite par les grands moyens. Il fallait d'ailleurs en finir et l'expérience du siège d'Arrighi fut mise à profit. On escalada le revers des rochers sur lesquels s'ouvrait le repère et l'on commença à faire crouler des quartiers de pierre pour boucher l'entrée. Mais le bandit ayant laissé voir qu'il avait facilité de tirer par certaines fissures et montrer le bout de son fusil, on renonça à cet expédient et l'on commença un travail de mine. Moins vaillant qu'Arrighi, Xavier n'attendit pas l'explosion. Il sortit de sa retraite, déchargea son fusil en l'air, jeta son pistolet et déclara qu'il se rendait. On allait le faire prisonnier quand un brigadier qui n'était pas au courant, l'apercevant à portée de sa carabine, fit feu et le tua roide. La farouche Trinité perdit ainsi son dernier membre et les bandits subalternes, dispersés et démoralisés, laissèrent respirer pour un moment du moins les malheureux paysans. Ce ne fut pas l'extinction radicale du banditisme, mais ce fut le terme du terrorisme exercé en grand et par bande. Le gouvernement et les chambres, éclairés par ces événements, modifièrent les errements administratifs et judiciaires à l'abri desquels ils avaient pu se préparer. Quant à effacer toute trace de ces instincts en Corse, il ne faut pas s'en flatter. Si haut qu'on remonte à l'histoire de ce pays, la vengeance apparaît comme le tressaillant du caractère national. La tradition des temps les plus reculés montre les familles divisées par des haines héréditaires, par des guerres implacables, visant à l'extermination de la famille ennemie. Mais ainsi que le reconnaissait l'auteur du rapport officiel, la vendetta s'alliait à une certaine probité. On tuait sans pitié son ennemi, on ravageait, on détruisait ses biens, ses récoltes, mais la vendetta était généralement exempte d'esprit de rapine. Elle respectait les personnes et les propriétés qui n'appartenaient pas à la famille ennemie. Dans ces conditions, l'existence du bandit ne portait ombrage qu'à son seul ennemi, et d'une autre part, eu égard aux préjugés du pays, cette vie aventureuse, ces dangers chaque jour bravés avec audace, exerçaient sur des imaginations ardentes et des esprits incultes un certain prestige de poésie sauvage et de farouche grandeur qui, sans la justifier, explique l'espèce de sympathie que les bandits trouvaient dans une partie de la population. Mais de notre temps, ce type de bandit légendaire n'existe plus que par exception. Les héros qui courent les montagnes et se jettent dans les maquis sont de vrais brigands, ne reculant devant aucun crime pour assouvir leurs appétits ou se mettant au service des mauvaises passions d'autrui. Ils sont en guerre ouverte avec la société et considèrent ses défenseurs comme leurs ennemis. C'est pourquoi, présentement encore, il est défendu aux soldats des garnisons corses de s'aventurer isolément dans la campagne. Des faits bien plus récents que ceux dont nous venons de rappeler le souvenir témoignent de la sagesse de cette mesure. Il y a moins d'un an, en 1873, deux familles, les Corti et les Campona, s'entrigorgeaient dans le prétoire de la justice de paix de l'État, au centre du village, à portée de la caserne de la gendarmerie. 8 individus tombaient, tués ou grièvement blessés, quelques-uns les entrailles fouillées à coups de couteau. En présence de tels actes, commis en pleine civilisation, on est tenté de se demander s'il faut se flatter de voir à volonté déraciner les préjugés inhérents aux mœurs d'une race indomptée et à certaines conditions de sol et de climat. C'était Le Roi de la Balagne, souvenir de Corse, par Octave Ferré.